Ça serait dommage. Ah bah, hey, tu sais, il y en a qui m'ont jamais. Oui, peut-être, oui. Mais moi, quand même, je sais. Bon. Et la corbeille. La corbeille, elle est jolie. Oui, c'est pas mal. La petite corbeille. Le pot. Non, mais on appelle ça le... La peau. Dis-moi, est-ce que ton trou... Le vase postérieur. Est-ce que ton trou est dégarni de plis ou il est... Il y a un joli plissé solaire. Est-ce qu'il y a un joli petit plissé? Un plissé soleil. Où le trou est ouvert au maximum, style... Chute de l'entrée du RER à Aubert. Non. Le trou est bien serré. Allô, Laurent? Oui, je vous écoute, mais... Non, mais... Mon annonce, attendez, là, je rigole un peu avec vous, mais c'est quand même sérieux. Hein. Mais on l'avait bien entendu ainsi, oui. Laurent. Oui. Non, mais je te demande si ton trou est bien serré. Pas trop, non. Pas trop, oui. Non. C'est assez détendu. Mais il n'est pas trop ouvert non plus, hein. je suis pas une salope. Hein. Non, mais c'est-à-dire que, bon, tu peux t'apercevoir si ton trou... Oui, mais attendez, décrivez-moi tant comme je suis pas... Hein. Non. Laurent, nous avons bien compris ton message. Laurent, donc, ton trou n'est pas complètement fermé, mais... Non, mais ça, les personnes qui viendront chez moi, ils seront très bien reçus, ils verront... Dans mais d'accord, mais avant, il faut leur donner envie de se déplacer. Bon, imagine, toi, tu es chez toi, tu as le trou complètement ouvert, tu ouvres la fenêtre, ça fait un courant d'air. Ah non, quand même, bon... Hein. Non, bon, alors, donc, c'est quand même assez serré. Tu peux refermer, tu peux, pour les personnes qui se font beaucoup enculer, je vais leur donner une recette. Voilà, il faut tous les jours, faire un petit exercice de musculation. Vous resserrez l'anus plusieurs fois, vous serrez, c'est comme si que il y avait l'œil marron qui voulait apparaître et tac, vous lui fermez le. Alors, vous serrez votre trou, vous fermez les fesses et tout, et ça, vous faites ça 20 ou 30 fois. Mais attendez, votre recette, elle est pas mal. Mais ça te muscle le trou du cul. Oh, oui. Et après, tu peux te préparer pour... Le Séoul. Oui, non, dans 4 ans, ce sera où? Dans 4 ans, ce sera à Barbès-Rochechouart. Non, vous allez me dire que je suis bête, mais moi, ma recette, je la donnerai plutôt aux gens que je verrai. À Marseille? Non, mais j'insiste. À Montréal? D'accord. Je préfère voir les gens. Ah, c'est moi d'être dur comme ça, mais je préfère discuter avec les gens. Tu es comme nous, hein. Mais bien sûr. Ah, moi, même une personne par téléphone, je peux pas. Moi, c'est uniquement... avec des gens que je peux voir. Ah bah oui, je vais les voir les gens, mais je discute quand même avec Bah, il faut une présélection. C'est ce que je lui disais. Voilà, oui, c'est ça. Une bonne sélection. Voilà. Bon, alors, tu recherches plutôt des jeunes, tu te fous de la couleur des cheveux et tout. Oui, et... je veux quand même qu'ils soient blancs, je suis pas raciste, mais non. Quel bord qu'ils soient allemands. Blanc, oui. S'ils sont arabes ou noirs. Ah non, excusez-moi. Je suis pas raciste, mais je préfère... Non. Mais puis t'en as pas mal des... arabes. Non, parce que moi je suis sérieux, hein. Je fais un boulot sérieux. Je veux tu peux faire un boulot arabes très sérieux. Je peux emmener n'importe quoi chez moi. Quoi. Oui. C'est très raciste comme... Non, je suis pas raciste, c'est pas ça. Mais... c'est très bon. J'ai raison, c'est tout. Une bite circoncise, elle va pas te voler ton portefeuille, peut-être. Il y en a quelques-unes, bon, non, d'accord. T'habites pas Orly ou à Aulnay 3000. T'es à Corbeil-Essonne. Non, mais c'est assez bourgeois, Corbeil-Essonne. Bon, pas spécialement. Hein. Moi, j'habite à Villabé, j'habite pas. Ah, c'est très bourgeois, Villabé. À Corbeil-Essonne, il y a beaucoup de Portugais. Moi, je connaissais le marché de Corbeil-Essonne. Il y avait beaucoup de poissonniers qui vendaient de la morue sèche. Oui, énormément. Oui, mais moi j'habite dans propriété, moi j'habite pas. Ah, tu as une très jolie propriété. Oui, pas mal. C'est bien, je pense. Donc tu reçois. Je reçois, monsieur. Et tu te déplaces? Ah non, je me déplace. Ah non, pas, monsieur, non. Non, on peut pas se déplacer, c'est pas possible. Non, j'ai pas envie de me déplacer. Eh ben oui, mais les gens qui habitent complètement à l'envers de toi, s'il y en a un qui habite Gagny, c'est complètement à l'envers de Corbeil-Essonne. Qu'est-ce que tu... Alors toi, tu leur demandes de se déplacer. Tu leur rembourses une partie du voyage? Mais c'est plutôt préférable les gens aux alentours de Vigneux. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont pas baiser avec la propriété. Comment? Ils vont pas baiser avec la propriété. Hein? Il y a un blanc là. Tu pourrais quand même faire un effort. Si le mec, il peut pas se déplacer. Oui, je verrai avec la personne. Bon, d'accord. Non, mais excusez-moi, je suis pas raciste, hein, faut pas. Non, peut-être mal exprimé, mais moi, j'aime bien les blancs. Oui, oui. C'est tout. Ah, bah, c'est normal. Chacun hein. Son truc. Chacun hein. Son truc. Hein. Absolument. Ah, ouais. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas des copains algériens, c'est cela. Maghrébins, des garçons un peu frisés, basanés. Oui, j'ai des copains comme ça, mais moi ça m'intéresse pas. Non, mais ça, eux, ça m'intéresse pas. Mais j'ai rien contre, je suis pas du tout raciste, c'est pas ça. Ah, bah, non. Alors comment on fait pour aller chez toi à 2h du matin? Comment qu'on fait? À 2h du matin, comment on fait pour aller à Corbeil-Essonne? Ah bah, il n'y a plus de transport. Ah. Il y a des taxis. Il y a des taxis. Mais t'en as pour 500 de taxis, mais voilà. Ah non, c'est pas vrai. Il y a... T'en as pour combien de taxis, pleine nuit, au tarif 150, tarif Z? 150, oui, c'est ça. 150 francs. 250. Oh non. Mais on peut louer une limousine au Plaza, non? Tu fais 4 heures de Minitel, t'es sûr de t'en envoyer 15? Non, vous devriez quand même trouver un compromis pour faire moitié-moitié du chemin. Et vous rencontrez, je sais pas, moi, à Montrouge ou à c'est qu'on pourrait... Hein oui, un bon, truc moitié-moitié. Bon, c'est pas grave, de toute façon, tu t'arrangeras avec les camarades qui t'appelleront. Voilà, bah, c'est hein? J'attends. Bon, Laurent, en tout cas, tu es très sympathique. Non, mais je vous remercie, excusez-moi d'être aussi froid. Ah non, mais au contraire, de toute façon... Moi, je suis franc, c'est tout. Hein. Nous préférons des gens francs, et toi, tu préfères des gens français. Voilà. Voilà. Français ou allemand, mais... Français, allemand ou espagnol. Hein? Non, mais je vous remercie quand même d'avoir passé mon ami. D'accord. Mais... Alors, mon petit Laurent, on t'embrasse très très fort. Je vous remercie. On te laisse et j'espère que tu vas trouver beaucoup de monde. Des gens qui ont une voiture plutôt, parce que maintenant, il est très tard et voilà. Ok? Voilà, je vous remercie. Alors, Laurent, on t'embrasse très très fort. Et les personnes qui veulent contacter notre ami Laurent, eh bien, qu'ils le fassent au 43 57 69 70 43 57 69 70 pour Laurent. Vous pouvez aussi nous contacter, intervenir, participer, féliciter, critiquer, insulter. Eh bien, c'est au même numéro, 43 57 69 70. C'est le numéro de téléphone du bonheur, le numéro de téléphone à composer si vous désirez participer avec nous à cette émission. En direct, mais plus en public maintenant. Pendant 3 semaines de délire, nous avons donné le maximum de nous-mêmes. C'est vrai, ma petite Zaza. Ce que vous dites n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Le petit Laurent est intéressant, chaleureux, intéressant, conversation passionnante. Et une belle propriété surtout. Jolie propriété, culture générale. Voilà. Tu donneras le numéro d'un orthophoniste. nous avons un autre auditeur en ligne. Je vais faire pipi, j'en ai pour une minute. Bon d'accord, alors je m'occupe de... Tu commences à le travailler. Hein. D'accord, ok. Allô? Allô? Salut? C'est Christophe? Oui, c'est Christophe, oui. Bonjour Christophe, tu as quel âge? 18 ans. C'est bien, tout jeune, tout frais. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux, je suis encore un bébé? Presque un bébé. Bah, oui. Dis-moi Christophe, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Les garçons, les filles, les chimpanzés? Non, j'aime pas grand-chose pour le moment parce que je suis encore puceau. Oui. Et donc c'est le but de mon appel, c'est-à-dire mais... c'est, disons, c'est un fantasme problématique, je crois. Oui, mais tu es puceau, mais tu as bien des pulsions quand même. J'ai, oui, des pulsions vers les femmes. Vers les femmes. Mmh. Et tu n'as jamais pu en parvenir encore à réaliser un accouplement? Bah non. Tu n'as même pas fait une saillie? J'ai à couvrir. Cet après-midi, j'ai eu un petit problème, justement. Oui, on t'écoute. J'avais rendez-vous avec une Thaïlandaise. Oui. Qui m'a proposé un massage. Oui, elle m'a massé. À combien? Rien du tout. Ah non, c'est comme ça. Écoute, si à 18 ans, tu commences déjà à payer, qu'est-ce que tu feras à 80? Bah oui, voilà. Et donc, cette Thaïlandaise s'est avérée être un Thaïlandais. Ah. Ce qui m'a donc qui ça m'a existe. Et là, ça t'a un petit peu bloqué, évidemment. Oui, bah oui, c'est le cas de le dire. Et tu l'avais rencontré comment, cette Thaïlandaise? Par une annonce dans un magazine. Attends, Christophe, attends, je suis parti pisser, là, je suis parti changer le poisson. Alors, Christophe, alors voilà, en deux mots, Christophe, il est puceau, il n'a encore jamais rien fait. Il lui est arrivé une mésaventure cet après-midi avec une masseuse thaïlandaise qu'il avait contactée par annonce, et qui s'est avérée être un petit Thaïlandais. Ah, tu as vu le morceau entre les jambes? Ah bah oui, j'ai bien vu, oui. Ah, et comme t'es sûr que c'était pas un gros, un très très gros clitoris des fois? C'était, il n'y avait pas de doute. Non, il n'y avait pas. Ça pouvait pas être un énorme clitoris. Et qu'est-ce qui est marqué dans l'annonce? Parce que moi, mon clito, on dirait vraiment une bite. Hein. T'as pas répondu à l'annonce équivoque ou... Non, c'était pas du tout équivoque, c'était censé être une jeune Thaïlandaise, hein, vraiment. Ah, c'est marqué jeune Thaïlandaise? Non, c'était pas ça, mais enfin, c'était, je sais plus quel était le prénom, bon, c'était un prénom féminin. Combien t'as payé? J'ai pas payé. Ah, c'était une annonce pour s'amuser, oui, voilà, voilà, oui. Pour le plaisir. C'est-à-dire subjugué par mon physique, je suppose qu'elle n'a pas proposé de, qu'il n'a pas proposé de me faire payer. Tu es très joli. Moi, quand je me regarde dans la glace, je suis ravi. Un beau garçon. Bah oui. Même au réveil. Au réveil, ça dépend des jours. Hein, des moi, fois. Je vais te raconter un truc. Je suis rentré chez moi à 7h du matin, dimanche matin. Ouais. Je n'avais jamais vu ma concierge le matin. Le matin, je dors très tard. Je n'ai jamais vu la concierge. Je l'ai vue à 7h du matin, je suis rentré. Je te jure, quand tu rentres de boîte et tu vois quelqu'un avec une gueule comme ça qui se réveille, je te jure, j'ai eu peur, je crois qu'on l'avait matraqué, la pauvre femme. Elle avait la gueule gonflée, tu sais quoi, un poisson-chat. Oui, mais toi, tu n'étais pas beaucoup plus frais non plus. Hein. Non, mais quand même, parce j'avais moi, encore elle deux... Dit qu'elle avait eu drôlement peur quand elle l'a vu tout ouais, à 7h du matin aussi. Mais elle croit que c'était mon père. Voilà. Elle a dit, j'ai vu votre père passer, rentre à 7h du matin. Mais les sortes de miroirs, faut se méfier. Moi, quand j'ai vu mes premières rides dans un miroir, j'ai cru que c'était le miroir qui était brisé. Bon, alors, est-ce que tu l'as faite ou pas? Ah non, j'ai pas fait, non. Tu t'es fait sucer un peu? C'est-à-dire... Oui, au départ. C'est-à-dire, je m'étais pas encore rendu compte que c'était un mec. Mais enfin, quand il a déposé quand il a posé le pantalon sur la robe, sa jupe, je me suis bien rendu compte que c'était un mec. Ah, mais est-ce qu'il t'a bien sucé, déjà? Ouais, pas bien. Mal, pas mal. Bon. Ouais. Est-ce que, après coup... J'avais pas perdu mon temps, quoi. Ouais. Est-ce que après coup, tu t'es dit, j'aurais dû rester, en fin de compte? Non. Pas du tout. Non, pas du tout, parce que quand je me... Vraiment, ça m'a... Bon, je dis pas que des fois je suis pas attiré par des mecs, mais ça reste au niveau du fantasme, je pense. Bon, il y a... Ah, qui dit fantasme... Il y a des fantasmes qui sont pas forcément faits pour être réalisés. Bien sûr. Mais bon, est-ce que tu as joui ou pas? Non. Si. Non. Non, vraiment. Pourquoi tu réfléchis quand tu dis non? Je réfléchis pas. Non. Non, mais c'était parce que je voulais appuyer mon nom, mais j'ai pas réussi. C'était un nom hésitant. Et donc, non, pas hésitant. Dès que t'as vu le bout de gras entre les jambes, parce qu'elle devait être en train de se branler quand elle voilà, te dit voilà, stop. Tu as dit stop, on j'ai, arrête. J'ai dit stop, ça n'a pas gêné outre mesure, quoi. Bon, ça s'est fini tranquillement, quoi. Ouais. Et vous avez discuté? Je me suis rhabillé, on l'a bavardé un peu comme ça. Mais bon, c'était quelqu'un de sympa, ceci. Ouais. Bon. Je pourrais m'en faire un copain, mais bon, pas plus. Mmh. Alors donc, ils vont en venir à ta vie sexuelle maintenant, tant que tu veux trouver une gonzesse, c'est pas le tout. Oui, voilà, oui. Mmh. Oui, bah oui, c'est pour ça que j'appelle. Oui. Bon, alors cette fille, tu la verrais comment? Je la verrais comment? Je la verrais déjà un peu plus âgée que moi, je crois. Oui. C'est ce qu'on fait en général. Bah, si tu es buceau, oui, mieux vaut une fille un peu plus, peut-être, disons, voilà, décalée. Oui. Oui, dans toute la littérature et pleine de ça. Oui. Alors, j'ai 18 ans, au-dessus de 20 ans et jusqu'à 35 ans, quoi, de format classique. Mm-hmm. Ok. Hein? Mais tu n'as jamais encore fait l'amour avec une femme, hein? Non, et puis, avec un mec, c'était involontaire et ça n'a pas... Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. Bon, et donc je la voudrais plutôt jolie. Bon, je demande pas bien sûr, chose, là. Ok, mais bon, jolie. Mais qui tu as dit de quoi? Qui tu as dit avant? Je demande pas Brooke Shields. Ah, d'accord, oui, j'ai compris. Brooke Shields. Non. Oui. Et alors, oui, dis-moi, qu'est-ce que tu aimerais faire avec une femme? J'aimerais faire, je pense que j'aimerais faire tout ce qu'on peut avoir envie de faire avec une femme, c'est-à-dire la lécher, Tu serais prêt à bien la lécher, à lui faire un bon travail? Oui, enfin, coup, bien la travailler, oui, bien sûr. Ah, voilà, ok. C'est ce qu'il faut, c'est-à-dire j'écoute votre émission depuis longtemps et puis on est toujours étonné d'entendre que les femmes se plaignent un peu des mecs, mais enfin bon, il y en a plein qui ne demandent qu'à des aider. Est-ce que des fois, lorsque tu es chez toi et que tu te branles, oui. Bon, tu te mets à quatre pattes et tu mets ta tête en avant style t'es en train de bouffer une chatte? Non. Non, tu fais pas de numéro comme ça, de mise en scène et Non, c'est-à-dire j'ai de l'imagination, mais enfin là... Non, ça va pas jusque là. Non, ça va pas jusque là. Et à quoi tu penses quand tu te branles? Qu'est-ce que tu te vois faire avec la fille? Je m'imagine en train de faire l'amour avec elle. Ça dépend des fois. Hein. Et au moment de la jouissance? Oui. Qu'est-ce que tu te vois? Tu te vois en train de te faire sucer, en train de la baiser? Je me vois en train de jouir dans son chat. Dans son chat, c'est dans son petit minou au four. le bout de gras dans le four. Et alors le bout de gras, il est du gras dans le four. Mais quel romantisme, David. Non, bah, c'était, je suis toujours étonné, alors je sais pas si les mecs mentent ou pas, mais je suis toujours étonné dans cette émission ou dans d'autres d'entendre des mecs de 18 cm, 20 cm. Ah oui, alors est-ce que tu aurais un complexe sur toi? Tu fais quoi, 15 cm comme ça? Non, moi moi c'est 12 cm, alors, tu vois, c'est petit. Mais j'en fais pas un complexe, non. Mais alors attends, dis-moi, parce qu'il y en a qui mesurent différemment les bites, hein. Je sais, il y a des mecs qui mesurent à partir en dessous des couilles, ouais. Non, mais il y en a qui prennent carrément, qui rentrent le centimètre dans le trou du cul. Ah ouais, d'accord. Et qui rentrent 2-3 cm dans le trou, ils trichent. Aux Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques, t'es disqualifié. La Ben Johnson, on a vu, hein. Ah, ça. 2 cm à partir au-dessus des couilles, quoi. Au-dessus des couilles, d'accord. Et tu prends le centimètre au-dessus de la bite ou en dessous de la bite? Au-dessus de la bite. Oui, oui. C'est-à-dire la naissance, le centimètre est au-dessus de la bite. Du bas-ventre. Voilà, oui. Voilà. Et tu suis bien la courbe du bout du roast beef. Bon, bah ça va alors. Okay. Voilà, non, mais c'est bien la bonne taille. Non, j'ai pas de complexe à ce niveau-là. De toute façon, j'y peux rien, alors ça sert à rien. Hein. Ouais, non, mais bon. Là, c'est pas un roast beef, c'est plutôt une paupiette. Oui, c'est une paupiette, oui, c'est une frite. Non, mais je pense que tu sais ce qui est important aussi, c'est le coup de rein. Hein. Oui, bien sûr, oui. De toute façon, vaut mieux une petite travailleuse. Hein. Ouais, si t'arrives bien à donner les reins, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais mieux vaut une grosse travailleuse qu'une petite feignante, hein, aussi. Parce que bon, c'est pas. Toutes les petites ne sont pas travailleuses. Oui, on peut pas tout avoir, c'est sûr. Mais il faut bien. Enfin, il faut de l'apprentissage. Hein. Il faut bien donner les reins, et puis à la limite, si tu n'arrives pas à bien les donner, bah tu donnes un bon coup de langue. Et ouais. Ça, crois-moi qu'un travail de la langue, c'est très recherché. Oui, bien sûr. Alors donc, pour en venir à cette femme idéale, je l'aimerais avec une forte poitrine si possible, mais pas énorme, hein, 90 cm de tour de poitrine, quoi. Hein. Oui. Je demande pas Sabrina, hein, ça sert à rien. Mmh, bah c'est déjà pas mal, 90. Oui, c'est imposant. C'est pas de mais bon, ceci dit, si c'est pas obligatoire, hein. Je fais pas une fixation là-dessus. Hein. Bon, et puis bon, les sous-vêtements affriolants, forcément, quoi. Mmh. Tout ce qui peut faire rêver les puceaux en mal d'amour. Bon. Bon, on va essayer de te trouver ça, Christophe. Bah oui, je pense que ça peut se faire. Ah bah ça peut se trouver aussi, hein. Ouais. Et puis, je crois que tu le mérites en plus. Ah bah oui, bah je crois aussi, oui. Bon bah voilà, en plus, si tu es beau garçon, il n'y aura aucun problème, parce que des fois, il y en a qui ont du mal à trouver, mais bon, en plus, ils font rien du tout pour trouver. En plus, bon, le visage dans la glace, t'as l'impression que c'est chez un antiquaire que t'as acheté le miroir. Et puis en fin de compte, c'est de l'autre côté. Hein. Oui, bah oui, voilà. C'est une glace piquée. Un vieux tableau. Voilà. Bon, bah ça, il n'y a pas de problème. Christophe, on passe ton annonce. Voilà. Et on te souhaite beaucoup de bonheur. Bah, et on te souhaite de rencontrer. Et on te souhaite de rencontrer beaucoup de camarades. Voilà, c'était Christophe, il a 18 ans, il est puceau, il recherche des filles. Et c'est au 43 57 69 70 que vous pouvez le contacter. 43 57 69 70 pour Christophe. Oui, oh là là là là là là là là là. Quelle misère sexuelle. Les hommes ont du mal à trouver. Un joli garçon de 18 ans. Voilà, les hommes ont du mal à trouver. Les femmes ne trouvent pas. Et tout le monde écoute cette émission en disant mais... Comment on pourrait faire pour trouver quelqu'un? Il y en a qui pleurent parce qu'ils ne trouvent pas, il y en a d'autres, des filles qui pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à jouir et tout. Mais si on arrivait par un coup de magie à te mélanger pendant 2 heures tous les mardis, à te mener un sabbat de tous ceux qui ont envie d'envoyer la purée... Mais tu penses le nombre de personnes en ce moment en train de se branler? Il nous faudrait le Parc des Princes. T'imagines le Parc des Princes avec nous au milieu et on dit aux gens sortez vos bites, branlez-vous. Oh là là. Et puis des rigoles par terre pour le sperme. Bah, tu vois, malgré tout, le sperme est quand même à éviter. Hein, vraiment, hein, nous envoyez. Vous me servez un petit jet, madame. Oui, mon cœur, hein. Ah oui, j'ai une histoire que je vous ai racontée la semaine dernière, mais il y a plein de gens qui ne nous ont pas écoutés. Et il y en a d'autres qui nous écoutent quand même toutes les semaines. Oh, elle est très très sale. C'est une petite fille. Elle fait papa caca. Papa caca. Attends un petit peu. Papa caca. Papa caca. Mais attends un petit peu, je te dis. Papa caca. Papa caca. Bon, attends, je me retire. Oh, elle est sale, hein. C'est dégueulasse, non? Bah oui, c'est un peu crade, mon pain. Bon, oh, il y en a qui... Non, mais parce que je viens de manger un boudin antillais, alors tu comprends bien que quand même... Oh. Bon, on a la délicatesse et tout. Nous avons un Gilles, je crois, en ligne. Allô, ça. Oui, bonsoir. Salut, c'est Gilles. Oui, c'est Gilles. Bien ça sur l'affiche. Ok, bonjour Gilles, bonsoir plutôt. David, bonsoir Zaza. Tu as quel âge ? J'ai 24 ans. Mmh. 24. Et je suis hétéro. Hétéro, voilà. Comme ça, on est fixé. Je suis venu la semaine dernière à votre émission y assister. Oui. Ah. Voilà. Ça s'est bien passé ? Ouais. T'as bien rigolé ? Ouais, c'est pas mal. Et ce sera pareil quand ce sera là-bas ? On sait pas encore. Mais ce qu'il y a, j'étais venu avec une copine et c'est tout. C'était la seule, sauf qu'il en est venu une à la fin avec un petit bonhomme, là, tu sais, une marionnette. Ah oui. Sinon, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire que tu veux dire par là qu'il y a quand même pénurie de gonzesses. Voilà. Et bien, nous-mêmes ici, on le regrette, et même au niveau des appels. Oui. Hein, tout de suite, faisons un appel, David. Mais là, au niveau des 3 filles. Heures, donc, pour les filles, voilà. Oui, mais elles veulent pas, Pierre. Ouais, mais souvent, elles sont. Tu sais ce qui se passe, je crois, Gilles, c'est qu'elles sont timides, en fait. Voilà. Elles n'osent pas. Hein. Et elles attendent, et puis elles repoussent, et puis à un moment donné, ça se débloque à force. Mais il y en a plein qui aimeraient nous appeler, qui voudrait discuter tout simplement, mais il y a des fois on chambre un petit peu à droite à gauche, mais on rigole avec certaines personnes et on essaye de faire la balance. Il y a des fois certaines endives, la balance tu l'as fait surtout au Quai des Orfèvres, des endives, des banturnes et tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas être gentil avec ça. Maintenant, s'il y a des filles qui nous appellent et qui expliquent clairement leurs problèmes ou leurs recherches ou leurs fantasmes ou leur sexualité, il y a pas de problème, qu'elle flippe pas, on sera pas mauvais, méchant ou comme ce soit avec. En plus, on sait pas qui c'est, personne ne les connaît, donc elles ont rien à craindre. Hein. Voilà, alors les filles, 43, 57, 69, 70, voilà. Pour vous, vous passe en priorité. C'est mieux quand même il y a pas mal de filles. Bah oui. Ça fait prendre conscience aux mecs quand même, et ça leur donne un petit peu d'entrain à vouloir draguer les filles, parce que les mecs se disent des fois, oui, les filles, elles ont pas envie de baiser, elles ont pas ci, elles ont pas ça. Bon, elles sont comme nous, hein. Alors. Ouais, alors voilà pourquoi j'appelle. Il y a 2 ans, j'étais avec une fille qui s'appelle Sylvie. Mmh. Voilà, et puis donc on est sortis ensemble 2 mois, et puis on a tout fait ensemble, sauf elle n'a pas voulu me sucer, faire une fellation. Tu lui as demandé ou pas ? Oui, je demandais plusieurs fois. Mais qu'est-ce qu'elle a dit ? Même par la tendresse. Non, jamais elle a visité, elle voulait pas faire. Elle dit non, c'est dégueulasse. Même par le biais de la tendresse, non, de l'amour. Oui, parce que quand même en restant 2 mois, donc, puis c'est pas tout de suite que j'ai demandé. Elle a attendu un petit peu. Non, jamais elle voulait, tu vois, elle a tout accepté sauf ça. Hein. C'est une chose qui l'a rebuté. Ah oui. Qui l'a rebuté. Mm-hmm. Elle prenait son pied quand tu l'as becté ? Ouais, je sais pas. Elle n'avait pas toujours des masques, il y en a beaucoup, tu vois, elles n'ont pas besoin de crier, de ça. Mmh. Mais enfin, elle remue tout ça, qu'elle, non, elle était un petit peu passive. Ah, elle voulait le coup de rouleau. T'as pas l'impression que t'étais vraiment une grande sensuelle? Je pense qu'elle n'aimait pas les fellations, elle était. Mmh. Elle aimait pas tellement ça, quoi. Mmh. Elle était un peu bloquée. Moi, tu vois, par contre, j'aime beaucoup sucer, tu sais. Ah. Et donc, comme je voyais que elle ne branchait pas, ça la branchait pas, j'y passais pas. Je commençais par ça pour l'exciter, tu vois, les caresses, tout ça, la fellation, mais je m'éternisais pas. C'est bon la pipe, non? Ah oui, c'est ce que j'adore, tu vois. C'est essentiel, non? Ah oui, piper et sucer, tu vois. Je comprends pas, tu vois, parce que des fois, dans l'émission, j'entends, il y a des mecs qui ne sucent pas les femmes. Et là, je comprends pas parce que c'est super bon. Hein. Ah, il y en a qui aiment pas ça. Hein. Pendant combien de temps tu peux sucer une femme? 1 heure. Oh oui, parce que l'heure, c'est tranquille. Hein. Tu peux te faire envoyer... Mais je bois quand même un petit peu, hein, parce que ça déteste la gorge. Hein. Ouais. Est-ce que tu aimes te faire envoyer dans la gueule? Pas dans la bouche. Bah s'il y en a une que tu lèches et tout, balance toute la répu. Tu laisses encore ta tête dedans ou... Non, ça te dégoûte un peu quand même. Tu te retires. Ouais. Ouais. Ouais. Non, mais t'as déjà réussi à en faire jouer rien qu'en les léchant. Oui, oui, parce que même je suis tombé sur certaines qui ne jouissaient pas vaginalement, mais jouissaient que clitoridiennement. Bien sûr. Ah, voilà, parce qu'il y en a des comme ça. Et toi, tu t'énerves des fois sur une chatte tellement que t'es excité, la tête dedans et toi, tu deviens complètement guedin. Mais c'est le meilleur, moi j'aime bien sucer. Et le trou du cul? De quoi, que je le suis, ça? Mm-hmm. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, hein, pas de problème. Hein. Ouais, c'est bon. Oui, oui, de femme, ça, il n'y a pas de problème. Les deux, hein, cul et chatte. Moi, je préfère si c'est une chatte, quand même. Hein. Est-ce que tu es déjà tombé sur des femmes qui avaient le trou du cul très, très poilu? Ah non. Non, jamais. Non. Il y en a, tu sais. Oui, j'entends l'émission, comme j'entends aussi. Comme des caniches. Hein. Bon, moi, je sais que j'ai poilu, mais je sais pas. Il paraît que des mecs aussi qui n'ont pas des poilus. Ouais. Aïe. Je sais pas parce que je connais pas ceux des mecs, hein, justement. Ouais, bah tu regardes le tien. Le mien, il est poilu, justement. Voilà, bah il y en a qui sont encore plus poilus. Ça doit être comme les poils. Les caniches. Au pec, quoi, c'est pareil. Et il y en a tellement que c'est poilu, ça fait des raisins secs. Ça s'appelle des chinois pendus par les nattes. Oh là, c'est vrai qu'ils ne sont pas lavés depuis combien de temps alors? Ben non, mais des fois ils se torchent pas bien, tu vois, tout ça. Et puis bon, ben, des fois ça crée un barrage, ça se tisse. Les poils se tissent entre eux et ça met peut-être, je sais pas, 12 heures pour se tisser un cul. Et après, quand ils veulent chier, ça résiste et ça fait une sorte de toile comme une serpillière collée au trou du cul. Et c'est les poils. Non, là, j'aime bien que ce soit lavé, tu vois, que ce soit... Bien clean, quand même. Il y a un copain qui m'a raconté une fois que la femme, elle aimait bien sucer son cul à lui, mais il fallait qu'il vienne juste de chier. Bon, moi, j'aime bien que ce soit propre, là, que ça sente bon, que, tous les que, ah, bah, oui. que les poils soient tout levés parce que c'est la propreté, tout ça. Bien que sûr. Quand c'est pas propre, c'est tout plat, tu vois. Ah oui, non, c'est en plus, c'est humide. Il y en a qui aiment quand c'est sale, il y en a d'autres qui aiment quand c'est propre, c'est tout. Hein. Non, mais on appelle ça une feuille de rose. Bon, on n'a pas dit une feuille de daube. C'est abominable. Mais quelle jolie métier. On appelle ça une feuille de rose, donc c'est pour... Eh ben, dis donc, j'ai connu des bouquets de roses qui avaient 3 mois de vase. Hein. C'était vraiment des vieux gras de cul. C'était l'eau des glaïeuls. Comme on les voit, l'eau des glaïeuls. Hein. Au Père Lachaise, quand les tombes ne peuvent pas être visitées pendant 3 semaines ou 3 mois. Là, c'est une horreur. Donc, voilà, pour revenir à tes oignons, ou du moins à ton oignon... Voilà. Donc on a puis au bout de 2 mois, ça a cassé tout ça. Mm-hmm. Et puis, on travaille ensemble. Bon, mais on est devenus très bons copains, tout ça. Mm-hmm. Et elle est sortie il y a deux mois, à peu près, elle est sortie avec un copain. Et là, j'ai appris, avec un copain moine, j'ai appris que maintenant, ça y est, elle s'était mise à sucer. Ah. Au bout de 2 ans... On l'a forcée. Elle a évolué tout ça, elle doit encore mieux faire l'amour sûrement, parce que quand même, elle avait 18 ans, maintenant elle en avait, hein. Je ne l'avais pas dit. Oui. Hein. Donc maintenant elle doit mieux faire l'amour. Tu sais, elle est quand même très jeune, hein. Oui, c'est ça. Et comment elle a fait alors? Est-ce que le mec t'a expliqué de quelle façon il a réussi à... Non, il ne m'a pas dit, hein. J'ai demandé, bon ça va, bon ben, il m'a dit, j'ai dit, parce que... du coup, tu sais, on parle entre mecs, c'est comme les femmes, elles parlent, tu vois. Hein, dit celui-là il est bon, il est pas beau, tout ça. Et puis nous on parle avant, on sait comment elle a fait tout ça, si elle est bien ou il est tout comme ça. Et bon ben tu parles, et j'ai su qu'elle avait sucé, quoi. Ouais, mais des fois la oui, les mecs se vantent, hein, aussi. Il peut se vanter, hein. Oui. Non mais ça là, une femme, simplement le propos rapporté par un mec, hein. C'est pas elle qui t'a dit je l'ai sucé, hein. Voilà. Tu sais, les sons de cloche, faut bien... Oui, parce que quand t'écoutes les mecs, ils se sont fait jeter, mais ils sont restés quand même 1 heure dans la chambre avec... Oh putain, qu'est-ce que je lui ai mis dans le chat, qu'est-ce que m'a gaufré et tout. Mais en fin de compte, le mec, il a tout envoyé dans son ben, parce qu'il a fait les couilles, ce temps se brouille. Hein. Voilà. C'est quoi, c'est tout. Ah oui, non, mais ça, Gilles, écoute, tu as 24 ans, tu es mignon, tu es beau, tu es jeune, tu es sympa. T'as une jolie voix, plein de... De sensualité, de plein charme. De sensualité, de gentillesse. Et... Vous avez dû me voir parce que j'étais devant avec une fille à ma gauche, ouais, c'était à ma gauche. Mmh. Tu sais, on a vu tellement de monde qu'on... Je viendrai, c'était devant carrément au début. Ah. Mais vous êtes arrivé juste 2 minutes avant l'émission aussi, alors vous avez dû passer un enfer, attention. Hein. On ne voit pas grand-chose. Vous avez juste à temps, hein. On s'est dit... Ah bah c'est toujours comme ça, on n'arrive pas à venir, hein. Ah non, mais c'est toujours comme ça. On fait pas le coup. Ouais, mieux vaut tard que jamais. Ce que vous dites n'est pas faux. Mais Gilles, donc tu cherches une suceuse en fait, c'est bien ça, hein, oui, ton propos de soir. Oui, mais ce que je voudrais, parce que voilà ce que j'ai dit, je lui ai dit que ce soir, il y avait une émission de fête, et qu'elle écoute parce qu'elle était super bien cette émission. Donc elle écoute. Ah voilà, il va te reconnaître. Okay. Alors oui, alors je voudrais que aussi, si jamais maintenant elle aime sucer, et que ça l'intéresserait, voilà. Que par exemple, enfin si, mais pas directement, tu vois, me proposer une petite soirée pour le vendredi, un truc comme ça, mais que ça se passe un petit peu romantique. Tu vois pas que par exemple, oh, je suis, c'est parce que c'est pas une telle chose, donc un petit truc romantique, quoi. Ouais, ouais. Qu'elle fasse le premier pas, parce que bon, voilà. Comme maintenant on est bien copains, je voudrais pas que, hop, chercher quelque chose et puis que tout casse après. Mais néanmoins, tu aimerais être allongé et par exemple juste qu'elle fasse une pipe. Elle dit, pour, je vais me rattraper du temps perdu, je vais te faire du bonheur, je vais juste te faire une pipe. Je vais te dire, ça ne durerait pas longtemps. Hein. Je tellement t'en as envie, tu... Je pense tellement à ça, tu vois, je la vois tous les jours, donc je vois sa bouche. Par exemple, en ce moment, elle arrête elle veut arrêter de fumer, alors elle a fait des sucettes. Alors je vois... Oh là là ces sucettes-là, alors je ne résiste plus, là. Mais regarde quel bonheur. Elle te dit, reste allongée sur le lit, tu mets les bras pendant le long de ton corps, et elle me dit que tu me laisses faire, tu écartes tes jambes, et reste entre tes jambes, à genoux, et elle te commence à te sucer les couilles, à remonter avec sa langue le long de ta bite et tout, à te lécher le gland et tout. Et elle met la bite dans sa bouche que 5 ou 10 minutes après, tu vois, après t'avoir léché pendant un bon moment. Là, c'est super bien. Et après, elle t'engouffre la pine jusqu'au fond de la gorge. Oh là là. Et après, elle te fait un va-et-vient et tout, mais là, tu risquerais d'envoyer la purée tout de suite. Ouais. Là, Et t'as pas le droit de la toucher, hein. Non, mais ça, c'est pas grave, parce que bon, je connais son corps, tout ça, j'ai déjà eu, mais c'est surtout sucé, hein. Là, j'en ai vraiment envie, hein. Mmh. Là, mais comme elle l'a jamais fait. Ah là, Là, mais si elle veut juste que... Par exemple, bon, si je peux la toucher en même temps, hein, bien sûr. Bon, mais juste ça, si elle a pas envie de toucher, c'est pas grave, mais au moins... Gaufrage de bite, voilà. Bonne pipe. Mmh. Eh bien écoute Gilles, si tu as des bonnes nouvelles, si tout s'est bien passé, tu nous appelles la semaine prochaine, hein, compte sur toi. Ok, hein. Je vous appellerai. Ok alors. Gilles. Ok, d'accord. Allez. Et je vous remercie. Et espérons qu'elle a bien reçu le message. Oui, oh ben, c'était pense... Sylvie, hein. Tu vois pas qu'elle l'appelle maintenant et dit oui. Ah, j'en peux plus, j'en ai envie depuis un an et je voulais pas te le dire. Je voulais pas passer pour. Je voulais pas te sucer parce que je voulais pas passer pour une salope. Mais là maintenant. Et puis okay. En fin de compte, maintenant mon image est faite. Qu'on me traite rien à perdre. On me traite de salope, bah, autant qu'on me traite de salope pour quelque chose. Bah, pour quelque chose, bien sûr. Voilà. Bon bah 43-57. David, tu as déjà sucé des bites. 60 non. Jamais. Non. J'en ai déjà vu. Je vais te dire la vérité, j'ai déjà vu des bites au sport, je voyais des mecs qui se lavaient sous la douche et tout. Mais je n'ai jamais mis une verge dans ma bouche, dans mon bec. Dans ton bec. Je n'ai jamais mis une verge dans mon bec. Quel effet ça fait? Je ne sais pas non plus, moi j'ai assisté, j'ai vu des films X. Érotiques. Érotiques, oui, c'était joli. Mais attends, Ali, qu'est-ce que ça peut faire comme... C'est vrai que c'est délicieux. C'est comme un flan. Comme un gâteau peut-être. Un gâteau. Tu penses qu'on devrait essayer? Bah je crois qu'on devrait essayer. Bah oui, faut pas mourir idiote. Hein, il faut pas qu'on meure idiote. Mais, mais plutôt choisir une grosse quand même. Ou deux petites. Deux petites en même temps, ça doit te remplir le bec. Oui. Une botte comme les asperges. Comme les asperges, on peut faire une botte. Une botte de petites bites. On peut faire une botte. Une botte. Et après, ça fait des asperges sucées. Ah bah oui, c'est le cas de le dire. Okay. Il est fasciné par les asperges sucées. Le chanteur Renaud a les cheveux en asperges sucées. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Voilà, nous avons un autre auditeur en ligne. Oh merde. Fait tomber mon godet. C'est François d'après la fiche. Allô. C'est ça. Allô. Allô. Allô. Salut. Bonjour. Bonjour. C'est bien François? Oui. Ok. Bonjour François. Tu as quel âge? 22 ans. Mm-hmm. Bon voilà, moi je vous appelle jeudi soir. Enfin, j'ai deux expériences. Hein, oui. Un témoignage. Oui. Le premier jeudi soir, je regardais la 22h30 sur la une. Oui. Les accidents de la route. Oui. Bon, moi je voudrais dire, je travaille dans un SAMU. Oui. Hein. Et pas plus tard que samedi dernier, on a ramassé deux mecs dans une bagnole. Mm-hmm. Bon, il y en a un qui était en train de sucer l'autre. Hein? Attends, vas-y répète, parce que là j'ai. Oui, pas... on a oui. Alors, bon. Tu travailles dans un SAMU. Voilà. Mm-hmm. Ouais. Et samedi dernier, on a été appelés en pleine nuit. Oui. Bon, ils se sont cassés la figure. Et en voiture. Dans un accident de voiture. Oui, bon. Accident de bien. Il y en a un qui est en train de sucer l'autre. Dans la voiture accidentée. Voilà. Et ils étaient bloqués dans la voiture. Après ils étaient bloqués, ouais, ça. Mais... Et moi ce que je voudrais dire, hein, c'est que les mecs, ils arrêtent de faire ça. Parce que ça rend les routes hyper dérapantes. Alors là, il n'y a rien de plus dangereux que ça. Bon, évidemment hilarité générale dans le sel et bah oui, ça parce que de geler. Parce que moi j'ai déjà marché sur des capotes pleines. Je te jure que vraiment, c'est pire qu'une peau de banane. Hein. Mais lancé sur une autoroute, je reconnais qu'effectivement... Ça peut provoquer un accident. Bah ouais, ça peut provoquer un accident. Hein. Et ça peut pourrir la chaussée, parce que... C'était deux mecs, hein, tu me dis. Surtout nous, quand on arrive par derrière, bon, on marche dedans, c'est un peu chiant, quoi. Pour au moins penser aux infirmiers qui arrivent derrière, bon, ils pourraient laisser le terrain un peu propre. Hein. Alors, bon, bah, je conseille à ceux qui font ça en bagnole d'arrêter, parce que vraiment... Bon, et dis-moi, dans les SAMU, quand il y a des filles, des mecs et tout, est-ce que ça se paluche un peu là-dedans, dans les camions, quand il n'y a rien à dedans? Oh là là, ouais. Vraiment? Oh là là, ouais. Ça, mais, c'est les orgies, hein. Est-ce que vous avez accès aux salles de garde des hôpitaux, que où vous restez toujours dans votre camion? Ah non, non, non, nous, on a notre... on appelle ça une office, hein. On a un poste fixe dans un hôpital, ouais, que ouais. Je tairai le nom, bien sûr. Bien sûr, on devrait peut-être. Ouais, non, mais je tiens à ma carrière, c'est pour ça. Ce que vous dites n'est pas. Mais, ouais, ouais, non, mais on n'est pas toujours dans le camion ou dans la voiture. Hein. Alors? Et, bah, c'est vrai que dans les hôpitaux, ça ne pas très mal, surtout la nuit. On fait un joli métier. Ah, ça, ouais. Ça me dégoûte. Mais non, mais c'est mais vous pensez qu'à ça. Après, les hommes qui relient les hommes à la poste, maintenant, c'est dans les hôpitaux. Bah, la sexualité, elle est omniprésente, hein. Ouais, bah voilà. Puis quoi qu'il en soit, c'est parce que t'es dans le milieu hospitalier que tu vas pas arrêter de ken, hein. Bah oui, il faut pas quand même... Exactement. T'as bien soif, t'as bien faim, t'as bien envie de chier, donc pourquoi t'aurais pas envie de baiser aussi? Exactement. Mais est-ce que des fois ce sont les fonctions naturelles qui continuent. Est-ce que des fois tu vois des jolis steaks tartare sur la route quand vous allez faire des dépannages? Ah ouais. Oui. Ouais, ouais. Vraiment des... Ah. Il n'y a plus rien, c'est... Oh non. Des trucs abominables. Non, parce qu'à force de voir de mauvaises images comme ça, des trucs qui restent marqués en toi... je crois que tu dois avoir encore plus envie de vivre et de profiter de ta sexualité. Bon, Je regrette que Pascal, qui est souvent notre complice pour cette émission et qui va nous rejoindre d'ailleurs au mois de octobre. D'octobre, a toujours pensé que la mort était très près du sexe. Ça arrive, ouais. Et que la notion de mort et de sexe est souvent assez liée d'ailleurs. Ouais. Tu aimerais quoi? Qu'on nettoie les routes un peu plus souvent ou rencontrer quelqu'un? Non, ce mais soir? Là, il faut pas exagérer, chérie, quand tu dis qu'il y a un accident parce qu'un mec, tu sais, un autre, c'est pas quand même le foutre qui a fait débloquer la tire. T'es une bouta, tu es joueuse. Tu es joueuse. Pourquoi tu nous fais des trucs pareils? Oh, on aime ça. Oh. Pourquoi tu fais un joli métier? Ah ouais. Bon, puis il y a un deuxième témoignage là, que je voulais donner. Ah. Bon, j'ai un copain. Oui. Qui est médecin. Oui. Que bon, on reste dans le milieu. Hein, oui, mais il est aussi la vie. Oui. Et voilà, il y a 15 jours, c'était son anniversaire. Ouais. Et il avait un fantasme. Oui. Et pourquoi pas, pour son anniversaire, j'avais dit, je réaliserai ton fantasme. Ah. Ça, c'est un cadeau comme un autre. Oui, absolument. Et il était super content. J'aimerais bien faire du cadeau. Mais quel était ce fantasme? Bon, justement. Ah. Il m'a ramené deux copains à la maison. Ah, dis-moi ça. Et il voulait que je me fasse mettre par les deux copains en même temps. Et lui regarder, mais pas participer. Au départ, il a regardé, après il a participé. Ah, là. Bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et tu t'es fait couvrir par les deux camarades qu'il t'avait envoyé. Voilà. Mais en fin de compte, c'était pour toi le cadeau, oui. Bah, dis c'était donc. Pas, tu c'était pas pour lui. Hein? Tu lui dis, je vais te faire un cadeau d'anniversaire. C'est plutôt toi qui t'es ramassé deux dingours dans les sofas. Quand t'as invité à un anniversaire, t'en profites autant que les autres. Quel joli cadeau, dis donc. Ah ouais. Moi j'aurais mis une bougie après et j'aurais fait Happy Birthday to you. Et on aurait une grosse bougie dans le cul, hein. Et on aurait soufflé une bougie fluo. T'sais. Ah, une belle bougie fluo. Bah oui, avec marqué François 22 ans. Non, 22 bougies, je t'aurais foutu dans le cul. Voilà, une botte. Ouais, justement, c'est là que je voudrais vous poser une question, c'est que depuis je suis vachement frustré. Ah, il t'en faut deux quotidiennes maintenant. Bon, parce que mon copain, il a fait 21 cm. Ça bite. J'ai mesuré, ouais. Moi je croyais que tu voulais que ce soit son anniversaire tous les jours. Hein? je croyais que tu voulais lui faire un cadeau d'anniversaire tous les jours. Bah maintenant, je veux pas, mais je me sens vachement frustré parce c'est que la... quand tout est sain, je sens plus rien. Quand il monte dessus, je sens plus rien. Ah. Tu es ouvert. Déjà. Tu es ouvert. Est-ce que tu as regardé les plis? Ah ouais, non mais c'est lisse. Hein. Ah, il n'y a plus rien. Ah ouais, c'est un anneau. Moi j'ai la police au cul. Hein. La police au cul, hein. Et... tu as essayé le citron? Non. Explique. Oh, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à chirurgie esthétique. Alors, soit tu... Comme non syrien. Tu as plusieurs choses, hein. Lorsque tu te fais enculer beaucoup et que tu es très ouverte. Parce que je repose le tarpé de Péco. Voilà. tu as plusieurs choses. La première, tu es très ouvert. Tu restes ouvert. Et puis, va donc. Et puis, fille à soldat, mangeuse d'hommes. Ou soit ça te pose un problème. Et là, tu fais soit une cure de citron vert. Tu poses des petites rondelles sur ton trou du cul. Et c'est une cure de à peu près un mois qu'il faut faire. Tu mets une rondelle avec une couche en dessous pour pas perdre des légumes et pour bien tenir la rondelle tout près du trou. Voilà. Ou lorsque tu te fais enculer, tu laisses le doigt à l'intérieur de ton trou pour pas que ça cicatrise. Ou sinon, tu te fais poser un lacet. Tu vas chez Topi. Tu peux aller chez Topi et tu te fais poser un lacet avec une jolie couture serrée, voilà. Façon Hermès. Et tu fermes. Et lorsque tu sais que tu vas te faire grimper, un fil de front. Tu vas te faire couvrir. Et ben tu roules le lacet, tu dénoues le lacet comme si tu dénouais une chaussure, parce que quand tu rentres dans ta chaussure. Tu enlèves le lacet, tu rentres dedans, tu prends pas à chaque fois le chausse-pied. Le problème après c'est que je trouve chaussure à mon pied, quoi. Eh bien tu vas trouver, c'est très serré, et après tu laisses ouvert ce que tu veux avec le lacet. Tu comprends, c'est un trou du cul synthé. Voilà, c'est bon, mais... Et on peut faire comme les thermostats réglés. Ah non, après c'est électrique, il faut carrément aller... On peut adapter un thermostat. Il faut prendre ça dans une quincaillerie, comme les radiateurs, oui. Régler c'est... Ou les clés à molette, il y a plusieurs... Ça s'appelle un mitigeur. Ah, voilà. Un mitigeur à bite. Alors, faut voir un plombier dans ce cas-là. Voilà. Alors, à la limite, tu peux te refaire la plombier, mais si ton trou du cul est lisse maintenant... Il faut que tu fasses quelque chose. Alors, au départ, tu mets le lacet et tu mets une mèche à l'intérieur pour resserrer, parce qu'il ne faut pas resserrer... C'était la révolution française. Il faut pas resserrer le trou du cul d'un coup, parce que sinon, quand tu vas aller chier, tu risquerais de chier. C'est comme une poche chez les boulangers. Ouais, c'est pour faire les décors. Les poches décors avec une seringue à chantilly avec une douille pour marquer bon anniversaire sur les gâteaux. Oui. Voilà. Et quand tu vas chier, tu chies sur la moquette et tu mets ton prénom en douille. Tu sais, il existe un sirop dans les hôpitaux qui s'appelle, c'est pas des blagues, c'est le sirop de cordon. Oui. Et c'est marron en plus du sang. Alors j'ai peut-être bien l'utilisé. Il y a le collodion qui recolle tout aussi. Non. Et puis t'as le néocodion si t'as plus de drogue. Non mais le collodion c'est un truc, un vieux truc pour qui tire les peaux. Ah ouais. Non mais si en chirurgie c'est 13 ans. J'ai des copines qui avaient les oreilles décollées, qui se recollaient comme ça, qui ressemblaient à Jumbo l'éléphant et qui voulaient faire la petite John Collins dans Dynasty. Il a fallu passer un chalumeau pour décoller. Tout ça. Enfin, tout ça sont les malheurs des comédiens qui veulent être jolis. Dis-moi, attends, pour savoir, pour faire un petit diagnostic de ton trou, lorsque tu pètes, est-ce que ça fait très serré ou le pouf? Tu vois, c'est même plus bruit. Ah, ça sort tout seul. C'est pas inconscient, hein. C'est une porte ouverte au bonheur. Bah ouais, non, mais c'est pas marrant, parce qu'en plus, on met des préservatifs. Hein. Ah bah oui, surtout, tu les mets, hein. Et je voudrais rappeler... Oui. Il n'y a qu'à te faire enculer avec des ridelles et des cales. Il y a une copine l'autre jour qui m'a dit, moi je comprends pas, j'ai fait ça avec mon mec, hein. Et en plus des préservatifs, ils ont mis de la vaseline. Jamais. On pourrait même mettre de la poudre à récurer, tu vois, pour freiner un peu. Ou du gros sel, ouais. Ou sinon tu mets des graviers si t'es un peu serré. Ouais, parce qu'il faut jamais faire ça. Hein. Et après tu jettes un peu de grésil pour tuer toutes les impuretés. Hein, bah oui. Ou un peu d'eau de Javel Lacroix. Hein. Les toutes à l'égout des bouches au grésil. Attends, il y a Nathalie qui veut poser une question. Ouais. Approche-toi du micro, Nathalie. Je comprends pas. Où est-ce que les impuretés, vous êtes en train de parler d'un vagin ou d'un gravier? Non, c'est un trou du cul, C'est d'un trou du cul que tu parlais, François. Ouais, bien sûr, ouais. Bon, François, quand même, tu es très sympathique. On a besoin de beaucoup d'appels comme ça. Au moins, ça remonte un petit peu le côté... Non, mais c'est désespérant hein, pour moi. Mais non, mais... je pense que... À 22 ans. Est-ce que tu as demandé une bourse au ministère de la Santé? Bah, j'en ai déjà deux, hein, tu sais, bon. Bah oui, mais il faut en demander une troisième, il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'on fasse des travaux à l'intérieur. Non, il faut qu'on fasse une souscription nationale. Là, parce qu'à 60 ans, on va te prendre comme aspirateur pour nettoyer les moquettes, rien qu'avec le trou du cul. Hein. Non, mais c'est vrai, tu ouvres la bouche, ça fait une aspiration d'air. Madame Tornado. Hein. 1200 watts, leader. Le leader chez Tornado. Non, mais c'est vrai que ça pose un sérieux problème. Ah bon, et si tu veux, tu peux nous appeler la semaine prochaine. Hein. On continuera, je pense que tu as encore plein de choses à nous dire. Bah, j'essaierai les rondelles de citron. Ou... voilà, t'essayes et puis tu nous dis comment ça... comment simplement un petit conseil, François, arrête de te faire enculer pendant 3 semaines. Oui. Fais une cure de repos quand même, tu sais. Resserre un peu et fais de la...